Souvent, les gens me demandent pourquoi la deuxième partie c'est meilleure que la première. Ah, les questions sont bonnes. Parce que c'est leur question. Une bonne réponse. Il y en a d'autres raisons, mais je les nomme. Il y en a qui veulent que c'est pas mal bonne, là. Il y en a même pas. Avant de commencer la période de questions, je l'ai mentionné pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière que Robert a réservé au commensal une section qui est à l'Académie Harris. Non, encore. L'Académie PMC. Et puis, s'il y en a après la conférence qui veulent discuter entre eux, ben, les gens peuvent se rencontrer là. Le commensal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur la rue Saint-Denis au coin de Sherbrooke. Période de questions, période de réponses. Ça fait 2 ans que nous sommes en rupture après 10 ans de vie de couple. Je suis d'accord pour la théorie du respect, mais s'il se développe une amitié, y a-t-il manipulation émotive ou faire confiance? Bon, premièrement, il ne faut pas avoir peur de l'amitié. L'amour est plus dangereux que l'amitié. Mais encore une fois, il faut faire aussi attention pour discerner entre l'amour et l'amitié, parce qu'on peut rester en couple, on peut être extraordinairement bien, et on n'est pas tombé en amour, on est monté en amour. On va en reparler un peu la semaine prochaine au niveau des échanges d'énergie. Et on en a, puis la semaine dernière, on a parlé quand même pas mal. Mais, bon, deux ans de rupture, etc. Et, mais si, quand on parle de respect, il n'y a pas de danger, mais je répète encore une fois, on doit respecter l'autre. Mais la base de la capacité qu'a un être humain à respecter autrui, c'est nécessairement de se respecter lui-même. Si on n'est pas capable de se respecter, on ne peut pas respecter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on exigera toujours de l'autre, qu'il nous respecte. C'est-à-dire qu'il nous donne ce que nous n'avons pas chez nous. Tout à l'heure, on parlait en haut de un être humain, par exemple, qui devra commencer à évoluer. Vous savez, quand vous venez au monde, vous avez de la naissance, aller jusqu'à l'adolescence, à exprimer dans votre corps physique la génétique de vos parents et de toutes vos lignées familiales. Ça veut dire que ça prend de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, etc., pour que vous soyez fin prêt à commencer une vie d'adulte. Mais il y a autre chose. Pour commencer une vie évolutive, vous devez avoir retrouvé des choses. Comme pour commencer une vie d'adulte, vous devez avoir retrouvé des messages génétiques cachés dans votre corps physique qui vont faire de vous un adulte. L'être humain ne peut pas commencer une conscientisation individuelle, donc une évolution qui se désassujettit de la souffrance, une évolution qui ne fait pas partie des stéréotypes de l'évolution de l'ère du poisson, hein, qui est une ère où l'être humain évolue en sacrifiant, par sacrifice, donc par souffrance encore une fois. Et cela veut dire que vous ne pourrez pas commencer votre évolution tant que vous n'aurez pas rencontré une quantité minimale d'individus qui vous redonneront des choses. Et là, ça va affiner votre compréhension. Ça va affiner votre façon de voir le monde. Et là, à un moment donné, vous allez commencer à avancer. C'est ce qui va nous manipuler à changer d'emploi, à déménager, à se promener un peu, puis à rencontrer différentes personnes, changer d'amis, changer de travail, changer de relation. Ben oui. Et plus l'humanité avance dans le temps, plus les individus qui vont vivre ensemble auront à un moment donné besoin de vivre avec d'autres. Alors, il y a eu un temps où on peut pas facilement une vie. Tu sais, qu'on mourrait à 30 ans, c'est facile d'être marié le reste pour sa vie. Mais aujourd'hui, on vit plus longtemps. Et en plus, ce qui arrive, c'est qu'on aura besoin de rencontrer plus d'individus pour aller chercher ce que nous avons besoin de faire ça à commencer l'évolution. Vous ne pouvez pas vous dissocier de l'évolution pisséenne, donc de l'évolution collective, de l'évolution des modes, de l'évolution où vous avez besoin de l'approbation d'autrui, de l'évolution où on a besoin du support d'autrui. Si vous êtes le seul ou la seule à croire en une chose, bien, rapidement, votre ego va éliminer ça. Vous allez croire quelque chose que plusieurs gens croient. Alors, on ne peut pas se dissocier, on ne peut pas devenir son seul maître, on ne peut pas être centré dans son intelligence, être disponible à soi, être centré dans son intelligence, si on n'a pas rencontré suffisamment d'individus qui vont nous remettre des parties qui nous appartiennent. Et ésotériquement, ça serait long d'expliquer de quelle façon il y a eu cette fragmentation. C'est beaucoup plus au niveau du séminaire qu'on peut en parler parce qu'on a plus de temps. Mais l'individu qui vit sa relation d'amour est un individu qui doit aller récupérer des choses. Et on vit de l'amitié et on peut aussi s'associer au niveau de l'affection, donc d'une relation sentimentique énergétique qui, à cause des égrégores, pour obliger l'animal humain à procréer, va finir par descendre dans une forme de manipulation physique. La personne ici, bon, On a passé 10 ans de vie ensemble. Présentement, on est en rupture depuis 2 ans. Et je suis d'accord avec la théorie du respect. C'est même pas une théorie. C'est comme la théorie de la respiration. Si vous respirez, vous allez bien. Si vous ne respirez pas, bon, pas de théorie. Ça va mieux quand on se respecte. Mais on doit commencer par se respecter soi. Se respecter soi veut dire ne pas perdre ce que nous avons pour aller chercher ce qu'on n'a pas. Bien, on garde nos acquis. Vous êtes quelqu'un. Et ça ne sert à rien de se positiviser la conscience en disant « je suis quelqu'un ». Non. Non, on est effectivement des êtres qui ont une utilité. Et par rapport à nous-mêmes, on doit être la première importance. Mais respecter autrui, ça veut nécessairement dire instruire l'extérieur d'un cadre dans lequel on veut évoluer. Ça ne veut pas dire « je vais le respecter pour qu'il me respecte ». C'est pas ça que ça veut dire. Vous pouvez le respecter, vous êtes à un niveau où vous pouvez exprimer le respect. Si l'autre ne l'est pas, il ne vous respectera pas plus. Mais vous pilonnez, c'est-à-dire que vous créez de l'instruction sociale. Vous respectez et progressivement, il y aura du respect sur la planète qui va commencer avec votre couple autour de vous. Mais et s'il se développe une amitié, y a-t-il manipulation émotive? Bon, est-ce qu'on peut y faire confiance? L'amitié, ce n'est pas dangereux. Quand l'amitié commence à accepter qu'on fasse des compromis, là, c'est tomber en amour. Là, il y aura des dangers. Mais l'amitié elle-même, il n'y a aucun problème. Pas une question de faire confiance, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est faire confiance? On fait confiance uniquement si on se fait confiance à soi. Pourquoi? Parce que vous ne voyez le monde qu'en fonction de vous-même. Et vous le décodez en fonction de vous-même. Je n'ai pas confiance à telle personne. Êtes-vous sûr que cette personne-là n'est pas fiable? Ou si vous êtes hésitant ou hésitante? Je ne peux faire confiance à autrui si je n'ai pas confiance en ma façon de décoder autrui. Je sais qu'il n'est pas fiable, je sais qu'il est fiable. Donc j'ai confiance en lui. J'ai très, très, très confiance. Ne donnez pas un rendez-vous, il ne sera pas là. J'ai confiance en lui. Je suis sûr. Oui, mais s'il est là, c'est trompé. Non, s'il est là, je ne me suis pas trompé. Et non. S'il est là, je ne me suis pas trompé. J'ai toujours confiance qu'il ne viendrait pas et je t'assure qu'il ne viendrait pas, je ne me suis pas trompé. Il est là, ben oui, parce que ma façon de voir le monde n'est pas une façon qui devra manipuler l'autre. Et s'il vient 20 fois de fil, eh bien j'aurai mon décodeur chez moi, je dirais, ben maintenant je suis sûr qu'il va être là. Puis à un moment donné, il n'est pas là, ben oui, tu t'es encore trompé. Non. Ça fait partie de ce que les humains ne comprennent pas souvent. Pourquoi? Ils s'en culpabilisent. Quand est-ce que vous avez tort? Savez-vous que vous n'avez jamais eu tort de votre vie? Jamais. Vous ne vous êtes jamais trompé de votre vie. Jamais. Mais non. Si vous auriez su le résultat, vous l'auriez fait ou vous ne l'auriez pas fait. Mais ne sachant pas, vous avez pris la meilleure des décisions que vous puissiez prendre. On ne se trompe jamais. Et parce que si on comprend ça, on va finir par arriver à se brancher sur soi. Est-ce que tu as confiance en cette personne-là? À un moment donné, moi, à l'époque d'un projet, tout à l'heure, je parlais avec une personne qui me ramenait en 1979. On était plusieurs personnes ensemble, des jeunes, et puis à un moment donné, on va acheter du bois, de l'acajou. On va acheter un camion d'acajou. Alors, je donne quelques milliers de dollars en argent liquide à cette personne-là, puis c'est elle qui allait chercher le bois. Le docteur m'a dit, « Ouais, mais as-tu confiance en cette personne-là? » Oh, absolument. Elle n'a peut-être jamais eu autant d'argent. Ah, ça, je suis sûr. Elle peut partir avec. Ben oui. Puis tu donnes ça de même. Ben oui. Ah, mais si elle part avec, ben, elle partira avec l'argent. J'ai dit de plus. Si c'est moi qui y va, allez-vous me faire confiance? C'est toi qui y va. Il faut que quelqu'un ait acheté le bois. Elle n'est pas pour y aller les 25. Écoute bien. On gaspillait la moitié de l'argent avec connaissance pour y aller. Ben oui, j'ai confiance. Je suis totalement convaincu qu'elle ne peut pas partir avec. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'est pas partie avec. Ben. C'est un autre. Ah, ben ça, s'il vous plaît. L'autre, je faisais confiance. Je faisais confiance. D'ailleurs, moi, je suis une personne qu'on peut tromper facilement parce que quand je fais confiance, je fais confiance. Et ça a fait en sorte que je me suis fait ramasser. Même mes amis sont venus, mes amis, enfin, à l'époque, sont même pénétrés dans ma maison, mais ramassés un paquet de choses. Et puis, on appellerait ça voler, mais en tout cas, moi, je me disais, ben non, il me dégage d'un karma, il me libère, tant mieux. Mais eux, ils venaient voler, bon. Et puis, c'est des amis, ils m'ont aidé à évoluer. Sauf que ça n'a jamais altéré la capacité que j'ai de faire confiance en moi. Et quand je sais que je peux avoir confiance en quelqu'un, j'ai confiance en quelqu'un. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, je peux me faire tromper, absolument. Je peux me faire avoir, absolument. Mais j'aime mieux me faire avoir une fois toutes les 10 ans que de passer 10 ans à me fier à personne. C'est trop compliqué. La vie est conne. Ça n'a plus d'allure. Alors, je préfère faire confiance. Et puis, on peut se tromper, on se trompe jamais. L'autre s'est trompé. Je trompe plus ma confiance. Il n'aurait pas dû. Mais l'amitié, c'est très, très, très bon. Parfait, il n'y a aucun problème. Mais soyez sûr de vous. Oui, mais dites d'un coup que ça, là, vous ne connaîtrez jamais l'avenir. L'humain, tant qu'il n'est pas en contact avec son intelligence, n'est pas structuré pour connaître l'avenir. On est confiné pendant un laps de temps à vivre dans l'insécurité, dans l'incertitude, dans la peur. Peur de demain, même peur d'hier, peur d'aujourd'hui, peur d'à côté, peur du voisin, peur de... En tout cas, bon. À un moment donné, on doit s'arriver à parvenir à se centrer sur certaines choses. Et puis, on se trompe pas. Moi, je suis sûr qu'en fin de semaine, il pleut pas. Puis s'il pleut, j'ai amené l'imperméable au cas. Mais j'ai totalement confiance qu'il ne pleuvra pas. Parlant c'est les, de... Ça, c'est les balles de fusil. Parlant d'amitié, tantôt, tu as mentionné dans la première partie qu'à un moment donné, on a fini de récupérer chez l'autre ce dont on avait besoin, ou ce qu'on venait chercher. Je suis certain qu'il y en a qui peuvent penser que rendu à ce niveau-là, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de l'autre, tu t'en débarrasses. Mais là, c'est pas nécessairement... Bon, on va revenir beaucoup sur comment on va chercher de l'énergie dans une relation. Je crois que c'est dans deux semaines. Mais parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui me disent à un moment donné, ben là, on est rendu à un point où effectivement, je ne sens plus que j'ai besoin de mon mari ou de ma femme. Et l'autre, il en a encore un peu besoin. L'autre, il se sent vraiment mal parce qu'il se dit, là, ça n'a plus besoin de moi. Ça veut dire que tu peux partir n'importe quand. Ou il peut partir n'importe quand. Vous savez, il y a une problématique énorme. Quand on n'a plus besoin d'autrui, on ne le sacre pas là. On cesse d'être sur son dos. Grosse nuance. Mais parce que c'est l'ego qui continuellement voit la mécanique, il se dit, si moi, égoïquement, je n'ai plus besoin de lui, je vais l'envoyer promener, puis m'en aller me chercher quelqu'un que je peux têter. Au niveau de l'évolution intelligente de l'amour, quand on arrive à avoir une intelligence qui a du cœur, c'est même pas une question d'esthétisme, on ne se dit même pas, ouais, mais là, pour les 10 ans que j'ai passé avec, il faut bien que... C'est même pas ça. Il y a une énergiopathie qui reste. L'humain reste relié énergétiquement. C'est de l'amour. Est-ce qu'on peut le dire une complicité? Ça devient une complicité, ça devient une télépathie sur différents plans, ça devient une osmose, ça devient une forme de fusion qui garde l'individualité des individus. Alors, il n'y a pas de problème. Quand on n'a plus besoin d'un autre, ça ne veut pas dire qu'on l'en va promener. Il faut faire attention, on n'en a plus besoin émotivement, on n'en a plus besoin astralement, c'est-à-dire que karmiquement, on vient de se retrouver. Pour cela, les individus iront voyager dans quelques pays, ils doivent ramener des choses. Ils rencontreront certains individus, doivent rapatrier des choses. Ils vivront certains événements uniquement pour rencontrer certains individus, ils rapatrieront des choses. Quand c'est rapatrié, maintenant on fait quoi? Maintenant on commence à vivre. Alors, on n'a plus besoin de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'autre veut dormir, on le laisse dormir. Quand il veut sortir, on le laisse sortir. Bon. Et puis, si l'autre est rendu au même point, il va faire la même affaire que nous autres. On doit le, sinon, il faudra qu'on l'habitue un peu à nous respecter aussi. Alors, il n'y a pas de danger, parce qu'effectivement, quelqu'un qui se dit, si j'ai plus besoin d'eux, je le laisse là. Non. Quand c'est uniquement au niveau de l'astralité, et quand c'est dans l'incompréhension, quand on n'évolue pas en même temps énergétiquement, ben là, effectivement, là, ma femme, là, elle m'aimera pas plus rien, vous pourriez en faire avec. Je l'ai aimé, je ne l'aime plus. On change de femme, on change de mari. Mais quand on vit une relation de couple qui est constructrice, non, absolument pas. Il vient un temps où effectivement on n'a plus besoin de l'autre et on se plaît beaucoup plus d'être en présence de l'autre. Ça vient à un point où on n'est pas souvent ensemble, mais quand on est ensemble, on l'est en tabarouette. Puis en réalité, on n'est pas ensemble physiquement, puis on est très, très, très, très ensemble pour le reste. Et pas rien qu'avec le couple, avec un paquet d'autres individus. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que le corps a des décharges électriques menant celui-ci à des tremblements pendant la mémphisation? Comment y remédier? J'éprouve surtout ce phénomène lorsque je suis allongé sur le dos. Camisole de force. Bon, premièrement, il y a une chose, c'est que la technique Menfi, elle permet au mental de contrôler le corps physique. Il y a des choses qui vont arriver. Pendant la mémphisation, si le travail est fait suffisamment convenablement, il y a une reprogrammation du système neuronique, c'est-à-dire que on sait que quand on bouge certains membres, le cerveau doit émettre des impulsions nerveuses qui vont bouger des membres. Si je dis à des individus, par exemple, placez vos doigts comme ceci, plusieurs ne peuvent pas ou devront travailler énormément pour y parvenir. Si c'est comme ceci, on devra travailler d'autres choses. Et si on part comme ça, puis on rapproche les deux doigts sans bouger les extrémités, ça demande certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le cerveau n'est pas capable d'envoyer des impulsions nerveuses pour bouger uniquement certains muscles. Quand on met une fille, on parvient à bouger, non pas seulement des faisceaux musculaires, mais progressivement, il va jusqu'à cellule musculaire par cellule musculaire. Il arrive que le cerveau émet des dépolarisations ectopiques, c'est-à-dire qu'il y aura des dépolarisations, des neurones qui vont émettre des décharges qui ne sont pas contrôlées par votre mental, donc par vous-même, et ça peut engendrer des chemins des impulsions. Il y a autre possibilité aussi, à un moment donné, c'est que le système musculaire émette lui-même des impulsions. Donc, ça engendre une espèce de fibrillation musculaire qui est une forme de tremblement aussi qui n'est pas contrôlée. À un moment donné, on a un tic ici bizarre, mais essayer de faire ça avec le cerveau, vous ne pourrez pas. Une personne qui met une fille souvent pourra. Il pourra aussi l'arrêter. Puis quand c'est au niveau du cœur, par exemple, une fibrillation, on appelle ça une fibrillation ventriculaire, tous les médecins vous diront que vous avez besoin d'une défibrillation. Je ne fais pas d'extra-conscientisation dans l'astral et je ne contrôle pas mes rêves, car c'est très rare que j'en ai conscience. Depuis quelque temps, je suis réveillé par des jouissances sexuelles, alors que ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas eu. Non, que j'en ai plus, oui, c'est ça, avec un homme ou autrement à l'état d'éveil. Quelle est la cause de tout cela et quoi faire pour y mettre fin, car je perds de l'énergie à mon insu? Bon, premièrement, en rêvant, on perd toujours de l'énergie à son insu tant qu'on ne contrôle pas le rêve. Et quand on contrôle le rêve, la façon de dormir, elle est assez facile. On se couche, on s'endort. Nous, on reste réveillés toute la nuit, puis on sait que le corps dort. Pas bien. Bon. Puis c'est pas ennuyant. Ouais, j'aime autant, parce que tu sais, c'est beau, ça. Toute la nuit, t'es assis dans l'astral avec ton corps physique, t'attends qu'il se réveille. Là, tu regardes le cadran, c'est plus de 3 heures, et là-dessus, assez. T'as le temps d'écrire un livre sur l'enfant d'Aflon, là, c'est ça, là. Ben, tu te réveilles avec un bras, puis c'est ça qui te nuit pendant que le reste dort. Ça, c'est pas... Mais c'est pas comme ça, c'est extrêmement plaisant. Hein? Prenez la personne que tu as vécue dans la forêt, on lui dit, viens faire un tour en ville, hey, il va s'ennuyer à mourir. Ben oui, c'est vrai à mourir, toutes les parties de l'ego qui ont expérimenté la forêt vont mourir en ville. Mais quand il va avoir expérimenté, réexpérimenté la facette de la ville, il va commencer à aimer ça. Bon, puis ça a des mauvais et des bons côtés les deux. Bon, depuis quelque temps, je suis réveillé par des jouissances sexuelles alors que ça fait au moins 3 ans que je n'en ai plus avec un homme ou autrement à l'état d'éveil. Quelle est la cause de cela? Une question connexe. Non. C'est peut-être le coupable, on ne sait pas. Là. Bon. Il arrive quoi? Il arrive qu'il y a dans l'astral, pour ceux qui ne savent pas encore, ceux qui viennent pour la première, deux, trois, quatrième fois, ce que j'entends par le mot astral, c'est un terme qui est plus précis, qui définit le monde de la mort, qui définit les annales akashiques, qui définit l'endroit où vont les morts, donc après la dissolution du corps physique. C'est un endroit qui conserve la mémoire de toute l'humanité. C'est à l'intérieur de du monde de la mort, donc du monde astral, que se conserve l'expérience de l'humanité. Et c'est à l'intérieur de ça que se conservent aussi les égrégores. Les égrégores sont des enveloppes de mémoire similaires. Alors normalement, un peuple va créer un égrégore et l'égrégore va finir par être un égrégore de peuple. Le patriotisme, par exemple, est engendré par un égrégore de nation. Et il y a toujours des symboliques qui permettent à un être humain d'entrer en contact avec un égrégore. Le drapeau, quand on va dans un autre pays, si on voit notre drapeau, ça nous énergise un peu. Le drapeau est un symbole. La croix est un symbole. Les bagues sont des symboles. Le nom est un symbole. Alors, par exemple, les personnes reliées à l'Église catholique, sur votre baptistère, les femmes, c'est écrit Marie, etc. Parce qu'on veut vous relier à l'Église catholique. Les hommes, c'est écrit Joseph et on vous donnera des noms catholiques. Quand on est juif, on s'appellera Isaac, on s'appellera Jacob, on s'appellera des noms juifs. Quand on change de religion, première chose qu'on fait, on vous rebaptise, on vous redonne une clé pour un autre égrégore. Alors, il arrive ceci, que dans le monde de la mort, il y a des égrégores spécialisés. Spécialisés dans la relation sexuelle. Ce sont des égrégores qui ont travaillé dans l'Antiquité à forcer l'animal humain, que nous étions, à vivre des relations sexuelles malgré son évolution, malgré l'éveil de sa conscience. Ces égrégores portent des noms comme sous-cube, incube. Ils ont comme caractéristique de pouvoir pénétrer la conscience d'un individu, dans le sommeil surtout, et d'avoir une relation sexuelle avec lui, dans l'astral. Autrement dit, c'est un viol. Chez l'homme ou chez la femme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, ça veut dire que c'est pas volontaire. Donc c'est un viol, on peut aimer ça, bon, c'est ce qu'on veut. Effectivement, il y a perte d'énergie. La façon de conserver son énergie, ça... Bon, les incubes, les sous-cubes, en majorité, ça relève de l'antique tradition planétaire. La personne, il y a des choses qu'elle devrait vérifier. Dans sa maison, il y a peut-être des vieux objets, des vieilles choses, des vieux symboles. Bon, du vieux linge. Il y a peut-être, il y a quelque chose, une attitude qui est vieillotte. Il y a quelque chose d'assez archaïque dans la maison qui fait que ça va attirer les choses. Sinon, c'est simplement qu'il y a présentement, et comme je le dis de temps en temps, c'est sûr que là, on répond rapidement à la question, on réincarne chez soi des phénomènes 24 heures sur 24 tout au long de sa vie. Et alors, vous êtes actuellement, vous réincarnez des mémoires de personnes qui sont décédées, qui avaient le même âge que vous présentement. Et normalement, c'est nos parents qu'on réincarne, nos lignées familiales. Donc, à 45 ans, j'agis plus comme ma mère ou comme mon père. À 50 ans, je les retrouve à 50 ans. Et on revit comme ça. Nos parents revivent ce que nous vivons. C'est pourquoi souvent, les parents sont fiers de voir leurs enfants grandir. Alors que moi, je trouve que ça sont mieux quand ils sont jeunes. Bon. Mais il arrive ceci que présentement, la personne, elle réattire des phénomènes qui proviennent beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie. Je ne dis pas qu'elle fait de la sorcellerie. Ce que je veux dire, c'est que pour se débarrasser de ses incubes ou de ses succubes, c'est beaucoup plus la sorcellerie qu'on doit faire, de la magie. Pourquoi? Parce que ce sont des vieilles choses. Exactement comme si vous allez en Haïti et à un moment donné, on vous jette un sort. On vous jette un sort, il y a quelqu'un qui pratique le culte du zombie, et on va vous jeter un sort. Eh bien, ça fonctionne encore. Ça fonctionne moins bien dans les sociétés où le mental est très développé. Pourquoi? Parce que les énergies de la société interdisent les manipulations des forces vitales par des mécaniques qui proviennent de la sorcellerie. Donc, le vaudou, entre autres. Alors, si on vous jette un sort, comment vous pouvez vous en débarrasser? En évoluant, dans 10-15 ans, ça va être parti, ou en appliquant une mécanique archétypale, une mécanique de sorcellerie, qui va contrer le sort. Alors, la personne ici, il y a plusieurs choses qu'elle peut faire. Elle doit essayer, premièrement, faire le ménage de la maison, vérifier dans la maison s'il n'y a pas quelque chose de particulier qui aurait une caractéristique vieillotte. Quand je parle vieillotte, ça peut être un symbole. Vous savez, à un moment donné, tout le monde achetait des cornes d'abondance. C'est un symbole qui date de l'Égypte, et ce symbole reliait collectivement tous les porteurs du même symbole. Vous faisiez partie de la même fraternité. Quand on ne le savait pas, c'est comme ça. Bon. C'est comme si, par exemple, vous achetez tous, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde achète à un moment donné un bijou, c'est une croix gammée. Oh non, moi je me sors juste pour, c'est ça, vous renforcez l'égrégore du Troisième Reich. Alors, ça peut être un bijou, il y a quelque chose. Et on peut le contrer, premièrement, en mangeant un peu plus d'ail. Je le répète, l'ail colle le corps vital au corps physique. Ça l'aide. Il y a des petites choses qu'on peut faire à un moment donné. Si c'est physique, ça aide aussi. Ah oui, ça aide aussi, oui. Même pas dans le sens anglais du mot « aide ». Non, non. Évidemment. OK. J'ai pas dit « ça aide ». J'ai dit « ça aide ». Non, c'est ici-là, puis en anglais, c'est « aide ». C'est pas ça, non, OK. Alors, il y a des petites mécaniques que l'on peut faire. La première, manger un peu d'ail, ça va aider. Deuxièmement, avoir un peu plus conscience de son état de sommeil quand on va s'endormir. Ça crée un problème si on n'est pas habitué, parce qu'on peut ne pas dormir, parce qu'on veut avoir conscience de quand on dort. Ceux qui connaissent un peu certaines formes de méditation, ça peut aider. Faire quelques exercices avant, style yoga. Et la personne, si elle a fait le PMC, alors là, il y aura des marches d'attente mentale, il y aura ETM, il y aura un paquet de techniques. Les techniques Canvi et Menfi seront les meilleures. Bon, grosso modo, c'est ça. Vérifier, faire le ménage, puis après ça, avoir un peu plus de conscience quand on va se coucher, quitte à faire certains exercices qui vont nous placer. On ne fait pas du yoga ou de l'ETM avant de s'endormir, parce qu'on ne dormira pas, on s'énergise, mais on peut faire ça une heure avant. Ça peut aider énormément. Dans le cas des rêves, est-ce que des étoiles à cinq branches blanches? Bon, oui, effectivement, la personne, elle peut faire ça, elle peut placer, c'est de la magie, mais c'est extrêmement opérationnel. Elle peut placer des étoiles, dessiner des étoiles à cinq branches, blanches, qu'elle fait ça, c'est la sorcellerie, c'est comme con, mais c'est pas con. Elle fait ça sur chacune des portes, fenêtres, cheminées de sa maison. Ça empêche la majorité de tout ce qui est archétypalement noir de pénétrer la maison. Bon. J'ai déjà suggéré ça à une ou deux personnes qui avaient certains problèmes, puis ça règle tout. Et quand on parle de conscientisation, de mentalisation, ça fait comme ça tourner à l'époque de l'homme des cavernes. Hein? À l'époque de ceux qui avaient des grands chapeaux, là, la ceinture est en haut plutôt qu'en bas. Bon. Mais il faut comprendre une chose. Si vous avez mal aux dents, même si on parle d'évolution supramentale, on va vous dire, allez voir un dentiste. Ça fait con. Il n'y aura pas une technique supramentale pour fusionner le mal dedans. Oui, l'évolution. Alors, dans 20-30 ans, peut-être, vous serez prêt. Bon. En attendant, l'abcès. C'est ça. Ça va fonctionner. De toute façon, tu n'auras plus de bouche. Que tu feras plus. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que quand il y a une agression particulière, il y a un de mes amis qui, à un moment donné, justement, s'était fait jeter un sort. Et à 4h30 ou 4h à chaque jour, il plantait. Il ne peut plus rien faire. Ça durait une demi-heure, ça lâchait. Et il y a une personne qui lui avait dit, à un moment donné, qu'il avait détesté suffisamment, puis qui lui avait dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais, bon, ne croyais pas à ça, parce qu'il était dans l'évolution supramentale, etc. Mais à un moment donné, à chaque journée, aux mêmes heures, d'une demi-heure de temps, il avait plus d'idées, il n'y avait plus rien. Il est allé voir une autre personne, un sorcier, de la même, c'était du vaudou, un autre sorcier noir, et il l'a payé pour que lui contre, ça fonctionnait. Psychosomatique, oui, je le répète, la majorité des maladies sont psychosomatiques, hein, ça marche. Bon, les guérisons psychosomatiques aussi. Au niveau de ce qui est des mécaniques astrales noires, les incubes et les succubes en sont, ça peut aider énormément. Chose certaine, c'est que de toute façon, ça va passer. En pleurant durant la conférence, est-ce que j'ai fait face à ma peur? Il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui regardent un film et subitement, ça m'a fait pleurer. Le film les énergise. Et un film qui peut être beau. Et même, les hommes, de plus en plus, les hommes sont capables d'amour intelligent. Ils pourront pleurer aussi devant des choses intéressantes. Et il y a des personnes qui, à un moment donné, me disaient, « Oui, mais c'est-tu niaiseux, tu sais? Au lieu d'aimer ça, là, je pleure. » Tu rejettes ton anti-homme. C'est-à-dire que vous rejetez des vieilles choses chez vous, des choses qui nuisent, pour laisser rentrer des choses qui ont de l'allure. Et la personne ne comprend pas la mécanique parce qu'on est toujours resté avec l'idée que pleurer était mauvais. Alors que pleurer est extraordinaire. Pleurer, c'est bon. Brailler, c'est autre chose. Mais pleurer, c'est parfait. Énergétiquement, les conférences que je donne ne sont pas juste au niveau de la parole, ils sont relativement énergétiques. Il y a des individus qui s'en subissent de façon les effets après la conférence. Lorsque ça redescend à leur état, ils ont l'impression d'être déprimés, alors qu'ils sont venus à ce qu'ils étaient avant de rentrer ici, mais la différence potentielle crée une illusion. Alors, moi non, il n'y a aucun problème. Il y en a, comme je le disais, il y en a même à un moment donné qui viennent, qui dorment toute la conférence. On en a connu un, entre autres, qui est venu pendant 4 ans. Lui, il dormait toute la conférence, payait 10$, il dormait toute la conférence, il achetait ses cassettes, puis il en allait chez lui. Ben oui, il était bien toute la semaine. Bon, c'est pas une question de retenir tout ce qui est dit, c'est une question de compréhension et de partager des visions qui sont similaires. On partage de l'énergie. Alors, en pleurant durant la conférence, est-ce que j'ai fait face à ma peur? Mieux que ça, c'est une transmutation de certaines choses qui se créent. Mais quand on accepte de se laisser aller, imaginez que vous êtes bien et ça pleure. C'est parfait. C'est comme si vous riez. C'est la même chose. Mais c'est sûr que si on lutte contre, ça crée un paquet d'autres petits problèmes. Alors, en pleurant, non seulement on ne fait pas face en pleurant, on transmet, on change. Je pense que c'est drôle, c'est beaucoup mieux. Ça prendra encore peut-être des petites transformations, mais on améliore les choses. L'idée d'appartenance, d'identification, d'amour, ont-ils la même source? Oui, c'est exactement la même chose, sauf qu'à certains niveaux, on verra. L'idée d'appartenance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle stabilise émotivement un individu. Elle le sécurise. Bon, alors il a l'impression de pouvoir bénéficier des dos d'autrui. Il appartient à un égrégore, à un groupe. Bon, l'identification, c'est la même chose. Je me reconnais astralement. Mais on a vu que l'ego de l'homme et de la femme, il y a le mental, c'est autre chose. L'ego de l'homme et de la femme sont gérés par deux lois. La première, s'exprimer. La deuxième, se nourrir. S'identifier, c'est être capable de s'exprimer. Je peux me retrouver parce que je suis comme vous. Bien, c'est l'identification. Première loi, l'ego. Totalement bien. La deuxième, dans l'identification puis dans le sentiment d'appartenance, il pourra s'exprimer, il saura qu'il est là, et il pourra se nourrir par le retour de l'expression, il sera parfaitement bien. L'amour, c'est la même chose, toujours l'obligation de se retrouver. La planète Terre, elle aime. Et l'amour planétaire, on appelle cela la force gravitationnelle. Ça ramène. Bon. Quand on dit « j'aime quelqu'un », je suis attiré par lui, gravité. J'ai un penchant, gravité. Bon. Quand je suis tombé, relation à la planète Terre. Quand vous êtes dans les airs et vous voulez voler, elle vous aime, vous tombez. Alors on dit tomber en amour. Et on est toujours centré sur une agglomération. Quand on va vivre l'amour intelligent, on va revenir la semaine prochaine beaucoup là-dessus, on parle de monter en amour. On ne va pas vers un centre collectif d'attraction. On reste soi, avec d'autres planètes, d'autres individus. Alors ici, c'est la même source du point de vue de ce que ça va donner. Même le langage populaire est totalement relié à l'idée d'amour et d'attraction, relié ensemble. Que veut dire le chiffre 3? J'étais assise et je me suis mise à penser sans aucune raison que je suis née le 21 mars 1956. Donc le 21, 2 plus 1, ça fait 3. Mars, c'est le troisième mois. 1956, 1 plus 9, le 5 plus 6, le 21, ça fait 3. Que veut dire ou signifie 3? Je sais pas si personne n'avait vraiment le savoir. Dès qu'il pose des questions, pour ça, il regrette. Quand on prend un crayon puis qu'on la pose sur une feuille de papier, ça fait un point. C'est le chiffre 1. Symbole actif. Sans le point, on ne peut rien écrire. Quand on fait une ligne en rond ou en ligne droite à partir du point, la ligne découle nécessairement du point, elle nécessite un point. La ligne a deux extrémités. Chiffre 2 sera son symbole. Symbolise la passivité. Pourquoi? Parce que la ligne est passive, elle dépend de l'actif. Ésotériquement, on dira aussi que l'homme est actif. C'est ses spermatozoïdes qui vont décider du sexe de l'enfant. L'ovule de la femme n'est pas sexué. Les spermatozoïdes le sont. La femme sera le principe passif. Donc, elle ne déterminera pas le sexe. On dira aussi que le principe 1 sera l'actif, sera le père. Le 2 sera simplement l'engendreur, l'amour. Le 3 sera le fils. Dans les parents, c'est la même chose. Le 3 sera le résultat. Par la suite, les anciens, ceux qui ont engendré les archétypes, se sont dit, si le chiffre 1, c'est l'actif, la barre en dessous, c'est le passif, si on les relie ensemble par deux autres passifs, cela va donner le chiffre 3, le triangle. Le triangle symbolise aussi le feu. Le feu, quand ça brûle, ça monte en triangle. Le triangle, à l'inverse, sera l'eau, la coupe, qui peut contenir de l'eau, qui peut éteindre le feu. Le triangle à l'endroit symbolise le résultat. La résultante, ça symbolise aussi l'intelligence, la lumière. Bon. Et pour s'amuser, on a le chiffre 4 qui symbolise les quatre côtés, les quatre coins, les quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et plus tard, on verra que lorsque l'idée, l'intelligence, le triangle, devient de la matière, prend forme, le 21, c'est aussi le symbole de l'univers. C'est le chiffre 2, le passif, qui engendre l'actif. Alors, les Juifs souvent parleront de ce principe de l'univers, le 21, alors que les chrétiens parleront du chiffre 12, 12 apôtres. Bon, pourquoi? C'est l'actif qui engendrera le passif, le 1 et le 2. Et le 1 et le 2 donneront toujours le 3, qui sera la résultante de l'univers, donc que ce soit kabbalistique ou que ce soit chrétien, on s'entend bien là-dessus. Mars, dieu de la guerre, troisième jour, 1956 donne 3 effectivement. Ça veut dire que vous êtes le résultat du résultat d'un résultat. Et 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Mais on peut récupérer astralement et dire, vous êtes l'intelligence, l'intelligence, l'intelligence. Une chose certaine, c'est que si on fait une numérologie, il faudrait additionner le nom de l'individu là-dessus. Mais le 21 mars 1956, c'était une bonne année. Il faut dire que 56, c'était une très bonne année. C'est ça, c'est une bonne année, t'es né en 56. C'est ça, oui. Le 21 mars 56, c'était une très bonne année. C'est une année de résultat, une année d'intelligence. Bon, maintenant, il faut voir quel nom on lui a donné. Voir si ça accentue ou pas, on pourrait s'amuser beaucoup en numérologie, mais je ne fais pas de numérologie, je ne connais rien à la numérologie. Le message est clair? Oh, c'est ça, oui. Je comprends très bien la mécanique de l'amour ésotérique global, mais là où je reste dans l'incompréhension, c'est dans ce besoin astral de voir, de vivre la présence de l'autre, surtout d'une personne en particulier. Je me reconnais chez l'autre, mais il n'est pas nécessaire de vivre ce besoin astral. Où est l'intelligence? Bon, dans l'astral, il n'y a pas d'intelligence. Voilà, c'est simple. Sauf qu'il faut qu'on sorte de la vision astrale ou émotive ou psychologique pour voir l'intelligence de la mécanique. Mais on verra l'intelligence de la mécanique cosmiquement. Ça ne veut pas dire qu'on va l'aimer plus quand on la vit. Je peux voir l'intelligence de la maladie, c'est certain, mais je ne la vois toujours pas chez moi. Vous prenez l'idée? Bon. Astralement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on prend de la feuille ici. La feuille, elle n'existe pas. Mais la feuille, elle va commencer à naître lorsque c'est de la mémoire. Lorsque ça expérimente la présence de quelqu'un, disons, elle se crée. Et cela va constituer toutes les mémoires et l'expérience que vous avez de quelqu'un. Dans l'ego. Vous avez une relation énergétique, c'est possible. Mais veut pas, vous avez encore un ego. Hélas, il faudrait à un moment donné s'anégoïser, faire fondre l'ego, transformer l'ego en autre chose, en de l'énergie. C'est ce qui engendre l'âme pure d'ailleurs, une âme sans ego. Mais ce qui arrive, c'est que, pourquoi astralement on a besoin de la présence d'autrui? C'est que chaque petite partie ici a tendance à s'oublier, ça se défait. Alors quand une partie s'est défaite, la présence de l'autre va restructurer la partie qui manque. Ça va renourrir. C'est ce qui fait que l'ego de chaque individu recherche les mêmes événements, le bon vieux temps, retourner vers l'endroit où il a vécu, revoir ses vieux amis et être en relation particulière avec certains individus. Alors, on va restructurer la feuille. Donc, le morceau va être reconstitué dans une expérience. Et c'est pourquoi, si votre mari, votre femme, un jour rentre les cheveux teints en bleu avec une scie sauteuse collée dedans, mais là, la partie qui est ici, l'absence, mais elle ne la recréera pas. Elle va créer une excroissance ailleurs. Je t'aime, mais pas comme ça. Mais non, je fais autrement, je te tête, mais là, je ne peux plus. Bon, je peux te têter des pieds à l'eau cou, mais bon, il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce qui va engendrer astralement l'obligation de continuer, l'obligation de rechercher des individus. Ce que l'être humain doit faire, on parlera donc de négoïsation. La première mécanique, c'est d'intelligence, c'est d'évoluer, de faire ce que vous faites présentement. Donc, de continuer à vivre la vie que vous menez présentement, sans trop se casser la tête. Il y a des mécaniques énergétiques qui vont être capables, à un moment donné, de restructurer les parties de l'âme qui manquent. Pour cela, on doit appliquer certaines petites lois fondamentales. La première, la transparence. Être transparent avec soi-même, ne jamais se mentir. Être transparent avec autrui, ne leur dites pas la vérité, mais ne leur dites jamais de mensonges. C'est pas diplomate aussi, parce que quand on en dit trop, ça sert trop contre nous autres. Bon. Mieux de pas trop parler. Et on doit savoir qu'on n'a pas de libre arbitre. On va développer une liberté de conscience. On viendra là-dessus à un moment donné. C'est plutôt un sujet de séminaire, mais quand même. De ce fait, si on comprend bien le principe, on ne pourra plus jamais vivre la culpabilité. Et la culpabilité est le facteur fondamental qui nous vide énergétiquement. Je reviens encore sur l'idée, l'homme a la capacité de discerner entre le bien et le mal. Totalement faux! Il n'y a pas d'humain sur le plan planétaire présentement capable de discerner entre le bien et le mal. Avant. Ils peuvent toujours après. Alors, on peut toujours discerner si on a bien fait après, jamais avant. Et on pense qu'on peut discerner avant, ce qui nous permet de nous dire « Ah, je me sens encore trompé, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai encore fait une gaffe » et ça nous culpabilise. On perd notre énergie. La personne, elle va finir par ne plus avoir besoin de la présence d'autrui, seulement c'est l'épide des lois fondamentales de l'évolution qui ne sont pas dirigées vers la problématique. Autrement dit, vous avez la leucémie. Qu'est-ce que je peux faire pour guérir ma leucémie? Évolue. Comme si je meurs avant. Tu mourras avant, tu réincarneras. Oui, mais y a-t-il une technique évolutive que je peux prendre pour guérir ma leucémie? Ce sont des résultats secondaires de l'évolution, ce n'est jamais important. On s'arrangera pour peut-être étirer votre vie, mais si l'humain commence à travailler immédiatement sur le long terme sur lui, tous les problèmes qui vous embêtent vont progressivement s'estomper et s'en aller. Mais si on veut évoluer uniquement pour régler un problème, on fait comme souvent la médecine fait. Vous avez mal à la tête, un médicament. Oui, mais c'est toute votre vie qui vous donne mal à la tête. C'est pas le médicament, il ne règle pas grand-chose. Ça veut dire du sel à l'estomac, une petite opération par là, puis on vous donne des médicaments. Oui, mais toute votre vie, on devra vous tripoter. Votre vie ne sera jamais confortable. C'est préférable, en attendant, de prendre un médicament, mais de travailler sur la globalité. La personne qui applique ces choses-là, qui comprend, qui intelligencie, qui se conscientise, bien nécessairement, à un moment donné, elle n'aura plus ces problèmes-là avec son ego. Et elle pourra donc vivre totalement de l'amour intelligent, sans être confrontée à devoir s'abreuver astralement. Est-ce que Richard Cœur de Lion a vécu à la même époque que le roi Arthur? Non. C'est-à-dire qu'Arthur a vécu à la même époque que Richard Cœur de Lion, puis Richard Cœur de Lion à la même époque qu'Arthur, mais il y a quelques centaines d'années qui les séparent tous les deux. Parce que Arthur s'est réincarné dans le roi Richard, donc Arthur vivait à l'époque. Et un peu dans Robin de Dursley, Robin des Bois. Bon. Alors, ils n'ont pas vécu dans le même... historiquement parlant, non. Arthur, c'est quelques centaines d'années avant, et Richard, c'est donc quelques centaines d'années après. Richard a vécu en même temps que Jean sans terre. Bon, si quelqu'un aurait incarné Jean sans terre, là, je vous dirais à qui vous devez quelque chose. J'aimerais que vous donniez la différence entre la pitié et la compassion et que vous élaboriez sur ce dernier. Est-ce que la compassion est un sentiment? Est-il une forme d'amour et à quel niveau? Bon, la compassion, on va revenir dans deux semaines sur la façon de s'énergiser. On va parler ici quand même. La pitié et la compassion, c'est exactement la même chose, puis c'est totalement différent. Exactement comme l'amour sentimentique et l'amour émotif, c'est la même chose, c'est totalement différent. La compassion, c'est la capacité qu'on a de vivre dans l'écosystème d'un autre. C'est la capacité qu'on a de s'associer à la vie d'un autre. C'est la capacité qu'on a de comprendre énergétiquement le point de vue d'un autre. C'est la capacité que l'on a, autrement dit, de se transposer dans la vie de l'autre. De ce fait, c'est la capacité que l'on a d'adapter son point de vue. Alors, on comprend tout ce qu'il vit. Si on est uniquement centré dans son intelligence, on va nécessairement être capable de compassion. On va être capable de comprendre la problématique d'autrui. Quelqu'un m'a posé une question dernièrement. Es-tu pour ou contre la religion? Moi, je lui réponds, je suis pour. Alors, es-tu dans une religion? Je lui dis non. D'abord, t'es pas pour. T'es oui, je suis pour. Je suis pour parce que ceux qui en ont besoin. Je ne suis pas neutre et je ne suis pas contre. La compassion nous permet de comprendre certaines choses. Quand un individu m'engueule, par exemple, sur la route, je ne le déteste pas. Parce que si je me place à sa place, je gueulerai. Je comprends. Je ne dis pas que c'est intelligent, mais il ne peut pas faire autrement. Je comprends. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est mal pris, je comprends. J'ai été dans des pays extrêmement sous-développés. Un jour, j'ai rencontré un animal humain. Et quand je dis animal humain, ce n'est même pas péjoratif. C'est un être humain qui est dirigé par des lois qui dirigent aussi les animaux. Il était assis dans un tas d'immondices, et ça puait des kilomètres à la ronde. Bon, mais lui, les immondices, il avait bouché le nez, alors il ne sentait plus. Quand je me suis approché d'un individu, il avait les cheveux, c'est dangereux ces cheveux, parce que si vous me rattaquez avec, j'aurais pu être blessé. C'était sec, dur, rigide, c'était vraiment bon. Alors, les vers, il les mangeait, les mouches, il les faisait pas fuir, il les bouffait. Et il fouillait là-dedans. Est-ce que je souffre de le voir? Non. J'étais avec des professeurs du PMC et je leur ai dit, voyez la personne qui est là-bas, comment vous trouvez ça? Quelques-uns ont dit, ah, c'est dégueulasse qu'un humain soit obligé de vivre ce genre de situation. Et je lui ai dit non. Si vous, là, vous vous projetez à l'intérieur de l'individu, la compassion ne doit jamais être de la projection, la pitié de la projection. Si je me projette dans l'individu, j'aurai pitié de lui parce que je ne voudrais pas vivre cette situation. Et je souffrirai même psychologiquement et émotivement, je peux même être malade. Alors que si je vis de la compassion, je vais me placer dans son point de vue, je découvre dans son point de vue qu'il n'est pas mal. S'il vient dans le mien, qu'il retourne dans le sien, il ne pourra pas. Bon, alors je peux avoir, par exemple, de la compassion qui va m'obliger à bouger. S'il fait juste regarder ton point de vue, il peut avoir pitié de toi aussi. Oui, mais il n'est pas capable. Alors, quand on était dans la jungle, il y a des jeunes, des enfants qui laissent le nez dans la fenêtre pendant qu'on mangeait nos repas. Et une personne me dit, hey, on devrait leur en donner. Puis je leur dis, non, si vous leur en donnez, vous allez habituer leurs estomacs à manger énormément. Puis quand on va être parti, ils vont commencer à souffrir. Présentement, ils ne souffrent pas. Présentement, ils ont envie, mais ils ne souffrent pas. Alors qu'ils mangent les restes, qu'ils mangent toujours les restes. Au pire, donnez-leur un petit, tu sais, laissez ça un peu plus. Mais faites attention, n'allez pas leur acheter des choses. Là, vous vous projetez, c'est de la pitié de touristes. Et quand les touristes sont partis, la souffrance reste en arrière. On va dans la jungle, quelqu'un regarde une montre. Il n'a jamais vu ça, une montre comme ça. En plus, elle donne l'heure à te réveiller le matin, elle te donne le temps à New York, elle te donne, bon. On devrait peut-être y en faire un cadeau. Eh oui, il va vivre heureux, puis quand la batterie va être à plat. Non, c'est préférable. Bon, alors la compassion, c'est la capacité de s'ajuster écologiquement à autrui. La pitié, c'est la capacité de se payer le luxe de ne pas souffrir en se foutant royalement des autres. On vous montre quelqu'un au Bangladesh, un enfant qui est mort présentement, qui est extrêmement sec, ça fait souffrir tout le monde envoie de l'argent. On paye pour qu'on retire la photo de la télévision. C'est de la pitié. Ce n'est pas de la compassion. Si quelqu'un d'assez respectueux décide que sa relation est terminée avec l'autre, mais que l'autre ne respecte pas celui qui veut se séparer parce qu'il ne se respecte pas lui-même, doit-on se séparer tout en aimant l'autre, mais en le quittant? Ou doit-on faire le compromis de quelques années, le temps que l'autre comprenne, en espérant qu'il comprenne un jour? Vous voyez, étant donné que je ne suis pas un maître, je ne suis pas un conseiller, hein? Bon. De temps en temps, les réponses que je donne, elles sont compliquées un peu. Pourquoi? Parce que, y a comme cette question ici, je vais remettre dans le karma de l'individu dans ses mains. C'est-à-dire que vous devez profiter de certaines occasions pour arriver à faire vos choix, à devenir un peu plus votre seul maître. donner des idées de chemin à suivre. C'est que la première chose, c'est que l'être humain doit se respecter. Tant qu'il se respecte, tous les compromis sont possibles. Si dans un compromis, il doit perdre le respect de lui-même, eh bien, le compromis est une promesse de compte. Quand l'individu ne peut retirer ce qui lui manque lorsque celui-ci ne vient pas à elle, tu dis qu'il faut le détester. Question. Comment l'amour peut-il se transformer en haine? Bon, c'est facile, ça. Vous faites comme moi, vous allez voir des détenus en prison, vous allez faire des petites conférences, et puis vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui sont là pour des meurtres passionnels. Bon. Puis ceux qui ne sont pas là pour les meurtres passionnels, parce qu'ils ont réussi à se suicider avant qu'on s'arrête. Bon. Parce que tu tues l'autre, parce que tu ne peux pas vivre sans. Tu ne veux pas que personne y touche. Tu l'aimes, tu la tues. Puis maintenant, elle n'est plus là. Ben, tu ne peux plus vivre. Ben, tu te tues. Ce qui arrive souvent. Bon. C'est facile de transformer l'amour en haine pour la simple raison que si dans la relation d'amour, on parle d'amour humain, de l'amour émotif, on ne parle pas d'amour intelligent. Alors, dans l'amour, il y a tout un protocole. Un protocole où je vous donne et où vous devez me remettre en fonction de ce que je veux demander. Alors, si je vous aime, je vous rends service. Bien, vous devrez me rendre service. Mais c'est évident. Et ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour humain. Ce n'est pas de véritable amour. Ce n'est pas un amour qui élimine la souffrance. Quand l'individu ne peut se retirer, ne retirer ce qui lui manque, bon, lorsque celui-ci ne vient pas, tu as dit qu'il faut la détester. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que quelqu'un qui vous déteste vous remet immédiatement ce qu'il a, qui vous appartient. Alors, si l'autre vous déteste, il vous donne, il vous libère. Eh oui. Sauf que, si ça ne pas, comme tu disais, c'est facile, on n'a qu'à détester, à se faire détester par tout le monde, on va tout ramasser. On a eu ça à être nous-mêmes. Oui. Sauf que, ça, ouais, c'est ça. Tant qu'à évoluer, ça va régler le problème. Mais ce que l'on doit faire, que, bon, l'amour peut-il se transformer en haine? C'est extrêmement facile, je le répète. Chaque fois que vous... On parle toujours d'amour psychologique. L'amour psychologique est un amour conditionnel. L'amour conditionnel est un amour qui impose des conditions. Et si l'autre ne remplit pas les conditions, celui qui les impose va commencer à le détester. Dans un couple traditionnel, il y a une partie de nous qui se détestons, il y a une partie de nous qui s'aimons, et il y a une partie de nous qui avons besoin de l'autre. Quand la partie qui s'aime s'en va, il reste la partie qui se déteste et la partie qui a besoin. On parle encore d'amour. Bon, ma femme est partie, je sens que la maison est vide. C'est ma partie qui a besoin. Mais quand elle est là, on s'engueule. C'est ma partie qui déteste. Et à un moment donné, on peut avoir... plus l'amour aura été fort, s'il y a un problème, s'il y a une transmutation en haine, plus la haine devient puissante et ça peut faire des choses qui n'ont aucun sens. Et encore une fois, détester ne rend pas confortable la vie. Il y a donc une autre façon d'aller chercher les choses, se respecter, être transparent, puis respecter autrui. Respecter autrui, il faut faire attention. Première loi, se respecter. Tu honoreras un seul Dieu. Hein? Deuxième loi, tu aimeras les autres comme toi-même. Bon. Mais cela veut dire que je respecte, par exemple, ma femme. Ma femme me dit, « Bon, ben là, si tu me respectes, à soir, tu restes à la maison. » Mais je me respecte en premier. À soir, j'ai à sortir, je sors. « Ah, tu ne me respectes pas. » Oui, je te respecte. Si toi, tu veux sortir, je te laisse sortir. Une nuance. Tout ce que tu veux faire de toi-même, je ne suis pas là pour t'en empêcher. Je ne suis pas ton esclave parce que je te respecte. C'est pas ça, le respect. Mais ce que tu veux faire, fais-le. C'est le respect. Depuis une semaine, au travail, je trouve une personne à mon goût. Je vois toute la manipulation qui me rend dépendante de lui et qui fait qu'on tombe en dépendance plutôt qu'on monte en amour. Un ami me dit d'être transparente et de dire à l'autre ce que je vibre. Le mensonge ne résiste pas à la transparence, mais justement, la manipulation m'empêche de lui dire et le mensonge et la dépendance augmentent. Et comment en sortir? Changer d'emploi. C'est très, très, très bien défini. Ici, dans la question, on a énormément de structure pour écrire un livre. Être transparent. Allez lui dire carrément ce qui se passe chez soi. On a même des difficultés que nos enfants. Être transparent, c'est fondamental. Et effectivement, si ça n'a ici, ça ne peut pas aller, la personne va découvrir rapidement, si elle est totalement transparente, qu'elle ne rompt plus l'attraction. Si ça peut aller, ça va aller dans le bon sens et rapidement, plutôt que de faire du niaisage. Mais astralement, il y a des personnes, des personnalités, des entités dans l'astral qui se nourrissent de vos souffrances. Les dieux, les anges, les morts. Ils se nourrissent des sécrétions hormonales engendrées par l'expression de l'émotion dans le corps physique. C'est pourquoi la majorité de l'humain vit un amour émotif. Et la semaine prochaine, on va parler justement de les pertes d'énergie, puis la fois d'après, comment en ramasser, quand on a reçu, comment puis en perdre. Alors, il arrive ceci, c'est que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Et on a encore une preuve ici. Je veux, mais je ne peux pas. Une personne qui ne comprend rien dirait, ben voyons donc, tu peux pas, hein, un peu plus de volonté, puis fais-le. C'est pas de la volonté qu'il faut, c'est de l'énergie. Il faut que la personne arrive à énergiser son mental suffisamment pour se dissocier du manipulateur du monde astral. Alors, la personne, elle ne peut pas, et moins elle est transparente, plus ça s'en va croche. Et oui, et plus ce sera émotif, hormonal, et plus ça va nourrir le monde de la mort. Comment parvenir à s'en libérer? Je reviens encore une fois. Évoluer. Et ça, c'est une occasion d'observer. C'est une leçon, une école. On ne peut pas penser régler le problème. On doit régler notre problème. Et dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, vous serez royalement bien. Si on règle un problème, il y aura un autre problème, il y aura un autre problème. Alors, la personne, elle doit faire cela. C'est évident que plus elle va être capable de s'énergiser, être transparente, mieux ça va être. Je ne dis pas que mieux ça va être dans le sens qu'il y aura une belle relation entre les deux. Ça va passer ou ça va casser. Mais l'instabilité, le pas savoir, c'est ce qui mine énergétiquement énormément l'humain après la culpabilité. Mieux vaut qu'elle sache. Je sens l'énergie qui circule en moi et tout autour. Est-ce que je la laisse circuler ou puis-je la diriger si j'ai, exemple, un problème physique? Bon, dans le cas d'un problème physique, bon, une chose qui est importante, c'est que la personne, elle connaît déjà la réponse à sa question. Elle le sait. Elle le sait totalement, totalement, totalement, totalement. Elle n'a pas de libre arbitre, mais elle connaît la réponse. Et dans pas grand temps, elle le fera. C'est ce qu'elle doit faire. Elle connaît la réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas la réponse, n'est-ce pas? Effectivement, on peut diriger l'énergie. Si je vis avec un homme avec lequel je croyais vivre un amour intelligent, est-il possible... Je t'arrête deux secondes. Voyez-vous, messieurs, combien... C'est, après, c'est juste des femmes là, qui posent des questions. Effectivement, l'homme est très, très, très mal pris. On l'a vu un peu la semaine dernière. La femme, elle est beaucoup plus prête de pouvoir vivre l'amour intelligent. Et l'homme doit faire un bout de chemin. Et c'est important. C'est très important. Je recommence. Si je vis avec un homme avec lequel je croyais vivre un amour intelligent, est-il possible qu'il ne me nourrisse plus énergétiquement parlant et que cet amour intelligent soit terminé entre nous? Non, l'amour intelligent ne se termine pas. Pourquoi? Parce qu'il va rester une complicité, il va rester une amitié, il va rester un paquet de choses. Alors que l'amour émotif ou l'amour qui fait qu'on allait chercher des choses ou l'amour par besoin, elle peut finir par se tarir. Lorsque la femme devient plus autonome, pourquoi il y a eu beaucoup de divorces? Parce qu'elle avait plus besoin du bonhomme. C'était correct. Ben, c'est comme ça. Alors, quand on a pris ce qu'on avait à apprendre chez un individu, si c'était de l'amour intelligent, on continue. On peut se séparer entre amis, qu'un grand sourire. Aucun problème. Mais si ce n'est pas de l'amour intelligent, il peut y avoir une forme de synergie, mais on n'en était pas tout à fait là. Ben, nécessairement, à un moment donné, ça finit. Depuis quelque temps, les nouvelles nationales et internationales sont devenues une drogue pour moi. Il y a une partie de moi qui prend un malin plaisir à se nourrir du conflit avec les Amérindiens et au Moyen-Orient. Je comprends donc, ça nous permet d'aller chercher des hormones qu'on ne sécrète pas souvent. C'est plaisant. J'écoute ces nouvelles comme un téléroman. Avec des commentaires et des espoirs d'eux, hein? Une autre partie de moi me dit que je dois continuer de me tenir au courant de ce qui se passe sur la planète, mais d'une façon objective et sans émotion. C'est préférable de savoir qu'on a perdu la guerre avant, plutôt que de savoir quand ils viennent cogner notre porte pour nous dire qu'ils nous arrêtent. Hein? Explique-moi ce qui se passe. Est-il préférable de cesser de les écouter ou de continuer en travaillant à faire disparaître le trip qui y est associé? Bon, ne travaillez pas à faire disparaître le voyage astral qui y est associé. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez rejoindre le processus, cheminer avec, vous allez voir que ça va se digérer. Vous devez observer. Alors, évidemment, se tenir au courant des nouvelles intéressantes. Ça se promène, ça fabule, ça s'amuse. Êtes-vous d'accord avec ça? Non? Vous avez la preuve matérielle et pratique que vous êtes deux chez vous. Un ego et un de l'intelligence, un mental. C'est le temps maintenant d'exploiter l'intelligence. Vous ne gagnerez pas au départ, c'est évident. Vous voulez dormir la nuit, ça parle dans votre tête. Vous voulez dormir, ça parle dans votre tête. On est deux. On ne gagnera pas au départ. Mais c'est important de commencer par s'en rendre compte pour le conscientiser. Et progressivement, on ira vers une forme de liberté. Alors la personne, elle doit observer les choses, écouter les nouvelles, observer tout ce qui se passe en dedans et l'observer. En intelligençant les choses, tout ce qui est inécologique et stupide, qu'elle le sache. Mais qu'elle ne lutte pas contre, elle va perdre de l'énergie. Elle n'a qu'à être là. Plus vous allez être présent dans votre vie, plus tout ce qui jouait votre jeu avant, se faisant passer par vous, va disparaître. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais présentement, ben non, profitez-en, vous êtes à l'école. Imaginez-vous bien que on a créé un problème autochtone puis un problème avec l'Irak uniquement pour que vous puissiez regarder la télévision, comme ça, puis pour évoluer. Non? Peut-être. Ah, c'est correct. Peut-être été créé pour deux. Oubliez ça, effacez ça sur la cassette, écoutez pas ce bout-là. Mais on profite des occasions, je le répète, la vie ne nous enseigne jamais rien. Mais on peut apprendre en maudit avec. Si la personne ne parle pas anglais, puis qu'elle écoute les nouvelles en anglais, mentalement, elle va comprendre ce qui se passe, mais l'ego, il ne pourra rien se nourrir de. Ça dépend, parce que l'ego, l'ego va expliquer tout ce qu'il ne comprend pas. On va se faire une histoire avec. Ah, quand il va regarder les F-16, F-18 qui décollent. Il attaque. Les F-18. Avant, c'était écrit archive en anglais. Là, il n'a pas lu ça, là, lui. Là, puis... La bombe nucléaire. Et coup, il va voir un gars arrivant en arabe. Il va dire, « Gars, c'est lui le maudit, là! » Lui, c'est Arabie Saoudite. Il est contre l'Irak. Il n'a rien compris du tout. Ouais. Puis, non, c'est... Vous pensez que la bombe est à Oka? La conscience unitaire fait-elle partie de l'amour intelligent? Absolument. Par conscience unitaire, j'entends la fusion entre le mal et le bien, ou la disparition du mal et du bien. La conscience unitaire ou l'amour intelligent, c'est au-delà de la fusion du mal et du bien. Il n'y aura ni mal, il n'y aura ni bien. On sera mieux. Pour l'humain, c'est souvent compliqué de comprendre la mécanique, pour l'ego, c'est encore pire. Qu'est-ce que ça peut être que d'être mieux que d'être heureux? Qu'est-ce que ça peut être que d'être mieux que d'être bien? Hein? Qu'est-ce que ça peut être? Ben, c'est quelque chose qui ne se dit pas. On peut mettre des mots. Les mots n'ont jamais de valeur. Pourquoi? Parce que l'ego n'a pas vécu ça. Alors, il essaie de comprendre. Ceux qui sont capables d'utopiser, de créer des utopies, ceux qui sont capables de réincarner de l'avenir, finalement, ceux qui sont capables de faire mentalement, de jouer dans certaines choses, progressivement, ils auront une idée, une saveur de ce que ça peut être. Ils ne pourront pas le vivre immédiatement. Mais la conscience, on parle du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est une vision très dualitaire qui est orchestrée uniquement par l'incapacité qu'a l'humain d'être dans tous les points de vue en même temps. Et ça va s'en aller lorsque l'humain sera centré dans son intelligence, lorsque l'humain aura un contact avec son ajusteur de pensée suffisamment avancé, lorsque l'humain aura un double éthérique suffisamment constitué, bref, lorsque l'humain aura les mécaniques qu'il faut pour être capable d'adopter différents points de vue. Alors, on a vu que plus on évoluait, plus il y avait une forme d'amour qui était capable d'englober. Et quand on arrive à la compassion, on est capable de vivre le point de vue d'un autre. Donc, on change de point de vue, mais sans les motiviser, sans souffrir, sans avoir de la pitié. La pitié, souvent même, c'est un manque de respect d'autrui. On se mêle carrément de son karma, on se mêle de sa vie. La compassion, c'est autre chose. Et lorsqu'on en arrive à un certain niveau, il n'y a plus de dualité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a plus rien de ça. Quand on voit quelqu'un, par exemple, qui fait mal à des animaux ou à d'autres humains, on ne voit même pas là le mal. Ça peut être inécologique, c'est autre chose en termes d'entretien du système d'écologie. Ce n'est pas logique. Mais ce n'est pas une question de mal. Autrement dit, on peut l'empêcher de continuer. Pas parce qu'il fait le mal. Parce que ce qu'il fait n'exprime pas d'intelligence. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas écologique. Ce n'est pas beau. Mais ce n'est pas une question de bien ou de mal. Est-ce que l'intelligence supramentale, à un certain niveau, est teintée par le plan bouddhique, par l'amour? Parce que sinon, si on était purement intelligent, même si on arriverait au niveau que tu voudras, on n'aimerait pas. On ne pourrait pas être humain. Purement mécanique ou intelligent. Ben, purement mécanique, si on est pas mal cas, déjà. On ne serait pas humain. Manipulé par d'autres choses. Oui, et le plan bouddhique peut colorer le plan supramental uniquement lorsque ça touche l'homme, la femme, lorsque ça touche l'être humain. Et uniquement lorsque ça touche l'être humain qui a des mémoires d'intervention lorsque, dans son ego, lorsque ça touche un être humain qui est informé des dangers du MTS, des martyrs de la transition supramentale. Là, ça va. Le bouddhisme bien coloré, c'est ce qui peut permettre l'intelligence qu'il y a du cœur. Absolument, parce que sinon, ça ne va pas du tout. L'être humain ne peut parvenir à exprimer une intelligence totalement énergisante, totalement synergisante. On ne peut pas exprimer de l'intelligence supramentale qui va nous nourrir énergétiquement si on n'a pas la capacité d'y exprimer un peu de ce qu'on appelle le plan bouddhique en ésotérisme, le plan de la gratuité, le plan de l'amour. Bon, si on n'a pas d'intelligence qui a du cœur, on ne peut pas parvenir à créer des synergies. Parce que la synergie se crée uniquement lorsqu'il y a une relation entre un individu et d'autre. Et pour cela, il doit y avoir un amour. On ne peut pas créer de synergie s'il n'y a pas d'amour. Maintenant, un amour sur d'autres plans. Pas un amour sur le plan visuel, physique ou ces choses-là. Un amour sur d'autres plans. Et l'intelligence qui a du cœur permet la synergisation. Cela permet à des individus... L'amour, ce que ça donne, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. L'amour, ce que ça donne quand c'est accompli selon un principe particulier qu'on va décrire, ça permet à un individu de donner de l'énergie et il en reçoit plus qu'il en donne. Et ça permet à l'autre individu d'en donner aussi et il en reçoit plus qu'il en donne. On appelle ça une synergie. Ce n'est pas un échange d'énergie, c'est une synergie. Et ça fait en sorte que plus on donne, plus on a. Mais la condition qu'on possède d'une certaine façon, ça se fait dans le couple, ça doit commencer dans le couple, parce que c'est préférable, ou dans la famille avec les enfants, ou avec nos amis. Mais il y a tout un processus qui doit être appris, c'est-à-dire qu'on doit former l'ego de certaines choses. Pour après ça, pouvoir l'entreprendre facilement. Tous, les familles, par le découvrir de vous-même à un moment donné. Si on peut avoir de l'information, des mécaniques avant, c'est sûr que ça l'aide, ça sauve du temps. Ça rend plus confortable. La semaine prochaine, le titre de la conférence sera « Comment ne plus perdre son énergie en amour ». Et puis, je voulais mentionner, peut-être qu'il faudrait vérifier avec Michel à la sortie, je pense que la semaine prochaine, on a seulement une salle de 50 ou 60 personnes, ça fait... vous rentrez pas toutes. Il faudrait peut-être voir à la sortie ceux qui veulent être là la semaine prochaine pour vous procurer vos billets immédiatement. Et sinon, arrivez de bonne heure et de bonne humeur. C'est ça, de bonne heure. Bonne semaine.